Ad Astra Per Aspera, par des sentiers ardus jusqu'aux étoiles. Que pouvez-vous nous dire du projet Lima ? Qu'il avait pour but de trouver une vie extraterrestre avancée. Ad Astra, le nouveau film de James Gray. Décrivez du mieux que vous le pouvez votre état mental et émotionnel actuel. L'espace comme vous ne l'avez jamais vu. Je me sens bien, prêt à donner le meilleur de moi-même. Une odyssée spatiale fascinante, avec Brad Pitt. Nous avons un travail à faire. Es-tu prêt ? Ad Astra, présenté en compétition à la Mostra de Venise, le 18 septembre au cinéma. Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Je tiens à dire à la presse marocaine, s'il vous plaît, je ne suis pas une prostituée, je suis une actrice. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, quand un film sur la prostitution au Maroc déchire le pays. En mai 2015, le film Much Loved, du réalisateur franco-marocain Nabil Ayouch, est projeté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Ce long métrage dresse le portrait de quatre prostituées de Marrakech. Énorme tollé au Maroc, où les conservateurs orchestrent une campagne de dénigrement contre le film. Personne pourtant ne l'a vu, enfin, pas encore. Mais la diffusion de quelques extraits a suffi à allumer la mèche. Dans le viseur des censeurs, l'actrice principale, Loubna Abidar, pour avoir osé incarner une catin à l'écran. Dans le royaume du Maroc, la prostitution est un sujet tabou. Elle fait pourtant vivre de nombreuses familles. Alors, plutôt que d'affronter la réalité et respecter la liberté d'expression artistique, le gouvernement préfère interdire le film d'emblée. Notre invité aujourd'hui, Laurent Beurdelet, maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Reims et auteur du livre intitulé « Maroc, un royaume en ébullition ». Il nous attend à Dijon, chez nos amis de France Bleu Bourgogne, que nous remercions pour leur accueil. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Héloïse Davio, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Marrakech. Les immeubles en terre rouge, la place Jemaa el Fna, les ruelles grouillantes de son souk, le jardin majorel à la végétation luxuriante et aux bâtisses d'un bleu éclatant. Ces images colorées, les effluves de thé à la menthe, d'épices et une chaleur sèche qui s'estompe à la nuit tombante, ce sont les sensations qui viennent à l'esprit lorsqu'on évoque la cité Marrakech. Mais ce paradis pour touristes est aussi célèbre pour d'autres plaisirs charnels. Femmes, hommes et même enfants, dans les ruelles de la ville, ils sont nombreux à vendre leur corps pour gagner quelques dirhams. Mais, chut, officiellement, au Maroc, la prostitution n'existe pas. Les relations sexuelles hors mariage sont interdites et passibles d'emprisonnement. Pourtant, début 2014, un bruit court dans les rues de ma médina. Nabil Ayouch aurait choisi ce tabou de la prostitution comme toile de fond de son nouveau film. Le réalisateur franco-marocain est un artiste reconnu à l'international. Son dernier film, Les Chevaux de Dieu, vient d'être choisi pour représenter le pays aux Oscars. La radicalisation religieuse, les enfants des rues, les conflits israélo-palestiniens, le cinéma de Nabil Ayouch aborde des sujets difficiles. Alors, s'attaquer à la prostitution ne lui fait pas peur, bien au contraire. Il s'en explique dans l'émission Boomerang sur France Inter le 18 juin 2015 et surtout, comment l'idée lui est venue. Oui, je crois que le déclic, ça a été une rencontre avec quatre filles à Marrakech qui un jour ont voulu me raconter leur histoire. Alors j'ai pris ma voiture, j'y suis allé, j'ai passé 2 jours à les écouter et je me suis rendu compte que ce qu'il y avait derrière la façade était absolument me bouleverser, me toucher au plus profond, m'a donné envie d'en savoir plus, de revenir, d'aller au-delà du maquillage, comme elles disent. Et ça a duré. Ça a été le début d'une enquête qui a duré à peu près 1 an et demi. Pendant cette enquête, le réalisateur écoute plus de 300 femmes, anciennes ou actuelles prostituées. Elles lui racontent leur quotidien, leurs relations avec leur famille, leur mise au banc de la société. Il aurait pu en faire un documentaire. Il préfère écrire une fiction pour raconter ces destins de femmes niées par leur communauté. Mais pour coller le plus possible à la réalité, il veut confier les rôles principaux à des prostituées ou à des femmes venant du même milieu. Quand Lubna Abidar, une jeune actrice, appelle le directeur de casting du film pour postuler, elle se fait directement rembarrer. Pas de comédienne de métier au générique. Grande est sa déception. La jeune femme d'à peine 30 ans se contente jusque-là de rôles dans des téléfilms pour la télévision marocaine. Alors, tourner avec Nabil Ayouch, ce serait une opportunité incroyable. Certes, le sujet est potentiellement source d'ennui, mais qu'importe. Le réalisateur ne veut que des prostituées dans son film. Très bien. L'actrice n'a qu'à se faire passer pour l'une d'elles. Aussitôt dit, aussitôt fait, elle file à Casablanca où se déroule le casting. Dans sa chambre d'hôtel, elle enfile son déguisement. Une petite robe noire très courte, une paire de collants, des bijoux ostentatoires. Devant le miroir de la salle de bain, elle applique une bone dose de fond de teint, rouge à lèvres et fard à paupières. Puis elle jette un dernier coup d'œil à son reflet. Elle est vulgaire à souhait. C'est parfait. Direction le quartier chic de Hayy El Anna. Face au réalisateur, elle commence à raconter la vie qu'elle vient de s'inventer. Celle d'une femme d'un quartier populaire de Marrakech qui vend son corps pour nourrir sa famille. Son récit n'est pas pour autant une pure fiction. Il est même le reflet d'histoire de femme, histoire vraie, croisée dans son enfance. Lubna est crédible. Nabil Ayouch lui propose de passer des essais le lendemain. Mais rongée par la culpabilité d'avoir menti, l'actrice en fait trop. Elle sent bien d'ailleurs que le rôle est en train de lui filer entre les doigts. Alors, elle fond en larmes et avoue au réalisateur son mensonge. Nabil Ayouch la réconforte, mais lui répète qu'il ne veut pas de vraie actrice pour jouer le premier rôle. En revanche, il est très intéressé par les histoires qu'elle lui a racontées. Alors, il lui propose de devenir une sorte de conseillère sur le film. Lubna accepte sans hésiter. Elle se met à son tour à rencontrer des prostituées dans les cafés, les taxis, les hammams. L'objectif est double, saisir la réalité de ces femmes au plus près et dégoter les comédiennes un jour pour le film. Lubna Abidar va jusqu'à s'infiltrer dans une soirée organisée par les Saoudiens, réputés pour leur tendance à satisfaire leurs pulsions sexuelles au cours de fêtes orgiaques réunissant plusieurs dizaines de prostituées hors du royaume alaouite, c'est plus sûr. Mais malgré tous les efforts de Lubna, les mois passent et aucune fille ne semble en mesure de jouer le rôle principal. Tant et si bien que le réalisateur finit par changer son fusil d'épaule et demande à Lubna d'incarner Noah, son héroïne. Étonnamment, elle ne saute pas de joie. Elle s'en explique dans la biographie intitulée « La Dangereuse ». Je ne veux plus jouer le rôle. Je connais le scénario par cœur. Les scènes de nudité m'intimident. Je me méfie de moi-même et de ma manière d'être actrice, de m'impliquer totalement. Quand je suis dans un rôle, j'y suis à 100%. Et avec celui-ci, je vois trop où cela peut m'entraîner. Un fatras de pensées se bouscule dans ma tête. La scène de sexe, toute nue, l'idée de ne pas être à la hauteur, la réaction des Marocains, le risque de l'après-film, j'ai la trouille. Je vais voir Nabil et je lui dis « Non, je ne veux pas. J'ai peur. » Lubna obtient le premier rôle qu'elle voulait tant au départ et la voici prête à renoncer. Le producteur du film tente de la raisonner. Enfin, Lubna, là, tu as l'opportunité d'aider non seulement des Marocaines, mais aussi des millions de femmes dans le monde arabe. Et tu te dégonfles ? Voilà qui fait réfléchir tout de même. Sauf que tous les comédiens à qui elle demande conseil lui disent de laisser tomber. Finalement, c'est un ancien professeur qui saura trouver les mots justes. Le rôle est fait pour elle, c'est clair. Maintenant, à Lubna de décider si elle se sent la force de supporter les critiques des Marocains. Bien. La nuit porte conseil, Lubna sera Noah. De toute façon, la jeune femme sait ce que c'est que d'être mal vue de sa communauté. Pensez donc, elle est la fille d'un amarisme, autrement dit d'un berbère et d'une arabe, une femme répudiée par son premier mari. Alors, si elle avait été un garçon, l'honneur aurait été sauf, oui, mais catastrophe, elle naît fille. Ses parents sont sans le sou. Lubna passe son enfant chez sa grand-mère dans un riad de Marrakech avec une flopée de cousines. Les filles assurent les tâches domestiques, reçoivent quelques coups, parfois. Mais ses grands-parents sont plutôt bons avec elle. En particulier, sa grand-mère, Mama Hadja, la matriarche, laisse ses petites filles regarder l'émission de cinéma de jeudi, ainsi que des films égyptiens en noir et blanc. Mais histoire de se donner bonne conscience, elle les met en garde. Attention, ne vous laissez pas tenter par ces femmes qui sont toutes des putes et qui iront direct en enfer. Mais en voyant ces très belles femmes, bien habillées, parées de bijoux, la petite fille a les yeux qui pétillent. Puisque c'est ainsi qu'on les nomme, elle veut être aussi une pute. Jamais en effet, elle n'a entendu prononcer le mot « actrice ». Et cela va lui jouer des tours, comme vous allez l'entendre dans cette interview sur France Inter en mai 2016. Dans ma tête, c'était être actrice, ça veut dire être une prostituée. Parce que c'est le mot qu'on écoute sur les actrices Maroc. Il y a un jour, j'ai manqué l'école pour un film. Et j'ai avoué la vérité pour la maîtresse. Et j'ai dit, j'étais pour voir les putes. Elle me dit, quoi ? J'ai dit, j'étais pour voir les putes. J'ai dit ça dans la classe. Alors quand j'ai expliqué c'était qui, elle me dit, non, ils sont des actrices du cinéma. L'hypocrisie de la société marocaine touche la petite fille dès son plus jeune âge. À 9 ans, elle retourne vivre avec ses parents. Son père est en permanence sous l'emprise du hashish. Sans emploi, il lui inflige des brûlures de cigarettes et là-bas. Et puis un jour, il la viole. Alors, à 14 ans, n'en pouvant plus de ce père, ce raté qui les maltraite, elle et sa mère, elle le met dehors. Oui, une fille qui vire son père du domicile familial, ce n'est pas banal. Bref, l'adolescente a du tempérament. Et elle fait un premier pas vers la liberté. Être libre pour Lubna Bidar, c'est être actrice. À 16 ans, elle s'entiche d'une figure de la jet-set parisienne, Claude Chal, de plus de 40 ans son aîné. Pendant 4 ans, il l'emmène aux quatre coins du monde et lui paie des cours de théâtre. Quand l'histoire se termine, de retour à Marrakech, Lubna continue à étudier et tombe amoureuse d'un entrepreneur brésilien, avec lequel elle a une petite fille, Luna. À la télé, on la voit régulièrement dans les téléfilms sans grand intérêt. Bien décidée à ne pas être complètement soumise, là non plus, elle balance son porc à un réalisateur qui impose des relations sexuelles à ses actrices. Et ça, ça fait buzz au Maroc. Lubna Bidar est une femme déterminée, forte, ça paraît clair désormais. Deux qualités indispensables au moment où elle s'apprête à jouer son premier rôle au cinéma. Ironie de l'histoire, ce sera donc dans la peau d'une prostituée. Le long métrage s'appelle Much Loved. Trop aimé, comprenez ? Trop touché, caressé, usé. Nabil Ayouch y tisse les destinées de trois femmes perdues. Noa, donc, incarnée par Lubna Bidar, Randa et Sokaina. Toutes les trois partagent une maison à Marrakech et un chauffeur. Noa, le rôle de Lubna, est une sorte de grande sœur pour les autres, tantôt bienveillante, tantôt autoritaire. Le scénario, lui, met en scène des soirées orgiaques avec des Saoudiens, les relations avec les clients européens ou pauvres Marocains qui les méprisent, les policiers aussi, policiers corrompus et les familles proxénètes qui empochent l'argent de leur fuite en les rejetant. Mais le film montre aussi trois femmes qui tentent de vivre et ne se contentent pas de survivre. Pour coller au plus près du milieu dont il dresse le tableau, Nabil Ayouch n'a pas hésité à écrire des dialogues crus, comme on peut l'entendre dans cet extrait. Un peu après minuit, elle arrive l'air de rien à la piscine et elle soulève sa jupe. Ça a été vite réglé. Elle s'est fait baiser direct. Et elle alors, fallait la voir baiser dans toutes les pièces de cette baraque. Elle a baisé dans les douches, elle a baisé dans la cuisine et même dans les chiottes, le cul à l'air. Et une vraie pro. Ouais, la reine des putes. Elle a fait le tour de tous les mecs. Le dernier black lui a mis la chatte en bouillie. Elle était en sang. Tu t'es fait déchirer la chatte. Et ma chatte, elle vous emmerde. Hein. On a filé vite fait à l'hôpital. Attends, tu connais pas la meilleure? J'ai pas pu travailler pendant 6 mois. Sans le blé que j'avais caché chez Saïd, on serait morte. Voilà pour le langage. Pour autant, il y a très peu de séquences de sexe et de nudité. Lubna ne doit jouer qu'une scène dans le plus simple appareil. Et il ne s'agit pas d'une passe, non, c'est une scène d'amour. Entre son personnage, Noa donc, et son amant français. Mais jamais l'actrice ne s'est retrouvée nue devant une caméra. Alors, simuler une relation sexuelle, elle est terrifiée. Et le tournage est laborieux. Mais finalement, Après plusieurs prises, la scène est dans la boîte et le film se termine sans encombre. Alors, a-t-elle eu tort d'oser accepter ce rôle ? Loubna Abidar et le réalisateur Nabil Ayouch s'attendent bien à recevoir quelques critiques. Ils savent qu'ils viennent d'achever un projet en dehors de la norme. Il y aura forcément des mécontents quand le film sortira au Maroc. Si tant est qu'il sorte. C'est le ciel, pourquoi baisser les yeux? J'avais ni la bouffe ni l'assiette, maintenant j'ai les deux. Ils me jugeront tout un siècle, se prendraient-ils pour Dieu? Si le seul guide c'est le ciel, pourquoi baisser les yeux? Je garde la tête droite. J'ai la fausse madras et ma binache n'ont pas ouïdé, l'oumini wesh n'ont barré. Ma binache qui roule là, tu vas chez Dieu, le comme in a this life. Le monde extérieur est trop zouin pour rester sur les rails. J'suis né et j'ai grandi dans le même coin, pourvu que je me raille. Ma cousin, va falloir beaucoup d'imagination pour me trahir. J'ai enfin tout baisé après 8 ans de taf, j'ai bien mérité d'être trahi. Les fils de pute attendent que je craque, si je crie c'est l'avalanche. Ma fierté grandit tous les jours, comment vivre en la ravalant. Violence en moi me laissera des éclats de murs sur les phalanges, phalanges. Pourquoi je suis sensible à leur jugement, il me reste encore du chemin. Si le seul guide c'est le ciel, pourquoi baisser les yeux? J'avais ni la bouffe ni l'assiette, maintenant j'ai les deux. Ils me jugeront tout un siècle, se prendrait-il pour Dieu? Si le seul guide c'est le ciel, pourquoi baisser les yeux? Je garde la tête droite. J'ai la fausse madras et ma binache n'ont pas ouïdé, l'oumini wesh n'ont barré. Ma binache qui roule là, tu vas chez Dieu, le comme in a this life. Où la rogue roule et fuck it, gotta make my plans right for a die. Yeah, j'ai la fausse madras et ma binache n'ont barré, coule ou wesh n'ont barré. Why is match film like Belletti got my tight so yeah. Sama maraka sa trek ma che khatri bas tum kaf male. Plakit kul shi hecha fash no ast man name fa mos blech rakbar man nish al makbat al madaba ke krab man ne o bag chal. Was man ras rasi dali ma bghash rasu ghir hech khasni. Mashi hmar ghir hadik kan the only option. Khaf shi nari sali hachi rouh tisbaqni. Pour ça j'ai fait trop de sacrifices quand même. Pour les miens, jamais pour que l'on m'aime. Même s'ils comprennent pas, même s'ils ne m'aiment pas, ils diront que mes darons ont eu un sacrifice quand même. C'est ma binache n'ont pas ouïdé, l'oumini wesh n'ont barré. Ma binache qui roule là, tu vas chez Dieu, le comme in a this life. Où la rogue roule et fuck it, gotta make my plans right for a die. Yeah, j'ai le fausse menace et ma binache n'ont barré, coule ou wesh n'ont barré. Si le seul guide c'est le ciel, pourquoi baisser les yeux? J'avais ni la bouffe ni l'assiette, maintenant j'ai les deux. Ils me jugeront tout un siècle, se prendraient-ils pour Dieu? Si le seul guide c'est le ciel, pourquoi baisser les yeux? Affaire sensible, Fabrice Drouel. 19 mai 2015, Festival de Cannes. Ce soir-là, Much Love est projeté pour la première fois dans le cadre de la quinzaine de réalisateurs. Cannes, ses stars, les robes de soirée, les flashs des photographes, les badauds juchés sur leur escabeau. Même dans ses rêves les plus fous, Loubna Abidar n'aurait jamais imaginé se retrouver là, dans le Barnum de la gloire. La sélection du film a sonné comme une excellente nouvelle déjà, la preuve qu'il est respectable. Alors, parée d'un caftan rose très sic, l'actrice observe avec angoisse l'immense salle bondée qui s'apprête à découvrir son film. Tu connais quoi, toi, aux hommes? Les hommes, c'est comme les marques, ce genre de truc. Il y a des mecs qui sont des produits de luxe, des moyennes gammes, et des fils de pute. Mais on s'en fout, parce que la seule chose qui compte, c'est le pognon. Le fric, les dollars, tu piges. Alors pour toi, ils sont tous pareils, sauf les blacks. Mais ils ont quoi, les blacks? C'est une histoire qui est restée dans les annales. Racontez-moi, elle va rire. Pendant 3 mois, elle m'a supplié de l'emmener à Marrakech à l'anniv d'un rappeur américain hyper connu. 2 heures plus tard, générique de fin. Qu'est-ce qu'il est angoissant, ce silence dans la salle. Des secondes d'éternité, puis tout d'un coup, les applaudissements énormes. L'actrice reçoit avec fierté les bravos, magnifiques, et quel courage qui fuse dans la salle. Toute l'équipe est aux anges. Le film est plébiscité en France, et le réalisateur, Nabil Ayouch, semble serein quant à la question de sa réception au Maroc. Il le dit, ce soir-là, au micro de France Inter. J'espère que le film sera projeté, évidemment, mais le film, j'espère qu'il sera d'abord vu par les Marocains avant d'être vu par le reste du monde. Et appréhendez-vous la réaction des Marocains lors de sa sortie en salle? Non, j'appréhende pas du tout la réaction du public marocain, parce que le cinéma est pas, contrairement à la télévision, un médium grand public. C'est un film qui peut pas être vu par tout le monde et qui ne doit pas être vu par tout le monde. C'est un film qui doit être vu avec certains avertissements, puisqu'il y a des scènes qui sont dures. Mais je pense que le public marocain aujourd'hui est mûr pour se confronter à toutes les images et que pas simplement celles qui viennent de l'extérieur, des pays étrangers, mais également des images qui sont faites par des créateurs locaux. Avec son film, Nabil Ayouch espérait susciter un débat et bousculer les mentalités, bien sûr. Mais il ne s'attendait pas à la suite des événements. La veille de la projection, l'équipe de communication de la quinzaine des réalisateurs a mis en ligne 5 extraits du film. Ces derniers sont immédiatement piratés par des internautes et publiés sur des plateformes de vidéos. 6 minutes d'images en tout, sorties de leur contexte et massivement partagées au Maroc. Or, on y voit, notamment, les 4 actrices se mouvoir dans des danses lascives. Dans un autre extrait, très regardé, les 3 prostituées en route pour une soirée avec des Saoudiens discutent dans leur voiture. Hé hey Ronda, fais-moi plaisir. Ce soir, tu roules des fesses comme une vraie salope, parce qu'il va y avoir des tonnes de putes. T'entends? Tu sais quoi? Tu vas se coller à moi. Si je danse, tu danses. Et si je baise, tu baises. Tu regardes quoi? Tu voudrais que je parle en prose, c'est ça, en faisant des rimes? Ronda, tu sais faire le 8 avec tes fesses? Hé, hey, pétage, je te cause. Je suis pas sourde. Sortez-moi le gros jeu ce soir, les filles. Montrez bien vos lèvres, vos jolies gambettes, et surtout, montrez vos putains de culs. Le lendemain de la projection, au réveil, Loumna Badi allume son téléphone. Et là, c'est la douche froide. Sur les réseaux sociaux, un torrent d'insultes se déverse sur elle. Elle reçoit des menaces de mort par dizaines. Une page Facebook appelle même à l'exécution de Nabil Ayouch et de son actrice principale. Le réalisateur n'est pas épargné. Sale rat, fils de PD, sale chien sioniste. La réaction des Marocains est d'autant plus vive que d'autres images circulent. Les rushs ont été volés et détournés. Des extraits de films pornographiques y ont été intégrés. C'est ainsi que de Tanger à Casablanca, tous les Marocains se disent outrés par ce film qu'ils n'ont pas vu. À Rabat, une manifestation est organisée par des jeunes du Parti pour la justice et la démocratie qui réclament l'interdiction du film. Ce parti islamiste dit modéré a remporté les dernières élections législatives de 2011 et dirige une coalition gouvernementale qui rassemble 4 formations politiques. Après l'opinion publique, une grande partie de la presse se mêle à l'opération destruction. Et que reprochent-ils tous à Much Love? De donner une mauvaise image du Maroc et surtout des femmes marocaines, de les mettre en scène dénudées dans des positions dégradantes. Personne ne semble vouloir regarder la réalité en face. Oui, la prostitution est dégradante. Oui, les prostituées sont des victimes. C'est ça, la réalité. Nabil Ayouch n'a rien inventé. Et c'est bien ce qui dérange. « Ce 20 mai 2015, l'équipe du film vit une journée surréaliste. Lumna Bidar est attaquée de toutes parts. Ses propres amis l'accusent de trahison. Mais il faut en même temps se préparer pour la tant attendue et prestigieuse montée des marches du Festival de Cannes, prévue pour le soir même, mais le cœur n'y est pas. L'actrice gravit sans entrain le tapis rouge et saute dans un avion pour rentrer chez elle à Marrakech. Cette polémique embarrasse le gouvernement marocain. Quelle position adopter ? Céder à la pression des réseaux sociaux, de la rue ? Ou bien affirmer un attachement à la liberté d'expression artistique ? La question est vite tranchée. Le 25 mai, le ministre de la Communication interdit le film pour, je cite, « outrage grave aux valeurs morales et à la femme marocaine et atteinte flagrante à l'image du Maroc ». Le lendemain, Nabil Ayouch réagit au micro de France Inter. Je suis extrêmement surpris, dans le sens où je n'ai pas fait de demande de visa pour le film et je ne vois pas comment est-ce qu'on peut interdire un film avant même qu'une demande ait été déposée. C'est une décision qui est illégale, qui va à l'encontre de la liberté d'expression et de la liberté de création des artistes. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça aille aussi loin que ça. Ça a pris des proportions depuis le Festival de Cannes colossales. Je veux dire, ce que je lis, ce que je vois sur Internet comme appel à la haine, appel à la violence, voire plus, c'est quelque chose qui me choque profondément et plus que me choque, m'attriste. Au Maroc, la tension est très forte et un vent très conservateur souffle sur le royaume. Début juin, la star américaine Jennifer Lopez est attaquée pour outrage public après un concert à Rabat à cause d'un twerk, une danse mobilisant le postérieur. Mi-juin, l'hebdomadaire Maroc Hebdo fait sensation avec cette une « Faut-il brûler les homos ?» Au même moment, deux jeunes filles sont arrêtées dans la ville d'Inzegan, près d'Agadir, pour des jupes jugées trop courtes. L'hystérie est à son comble dans tout le pays. Une association de défense des droits des citoyens attaque même en justice Nabil Ayouch et Lubna Bidar pour prostitution, incitation à la prostitution, incitation à la débauche de mineurs, proxénétisme, rien que ça. Pour les comédiennes du film, impossible de marcher dans la rue sans se faire agresser ou cracher au visage. Dès leur retour au pays, la production loue un appartement sécurisé à Casablanca avec garde du corps, mais cette fois pour les protéger. Elles y restent cloîtrées quelque temps, et puis il leur faut bien reprendre une vie normale. Chez elle, à Marrakech, Lumna Bidar tourne en rond dans son appartement. À de rares exceptions près, ses amis se sont détournés d'elle. Sa famille également réagit très mal. Sa mère est désespérée. Les voisins, très bien intentionnés, ne manquent pas de lui montrer les images de sa fille et les messages qui circulent en ligne. Quelle honte ! L'actrice aimerait pouvoir prendre l'air. D'où cette idée saugrenue mais ingénieuse. Elle garde dans l'un de ses placards une burqa qu'elle a utilisée dans un autre film. Elle exècre cet accoutrement, symbole de l'abaissement de la femme, décidé par les hommes. Mais ainsi camouflée, elle peut sortir et passer inaperçue. Difficile, malgré tout, d'échapper à la polémique. Dans les hammams, les cafés, les salons, on ne parle que d'elle. Lubna tombe dans une profonde dépression, songe un temps au suicide. Mais le soutien de son mari et de sa fille la maintient à flot, tout comme les appels quotidiens de Nabil Ayouch et du seul ami toujours présent à ses côtés, Adil. Alors que la fin de l'été approche, l'actrice se ressaisit. La dernière semaine du mois d'août se tient le festival d'Angoulême. Much Love est en compétition et une nouvelle fois très bien accueillie en France. C'est rafraîchissant d'autant que le palmarès réserve quelques surprises à l'artiste. C'est le grand gagnant de ce festival, le film Much Loved du franco-marocain Nabil Ayouch. Le film qui traite de la prostitution au Maroc et Valois d'Or 2015. Avec des prix tels que celui-là, je ressens une écoute, je ressens de l'amour. Ouais, évidemment que c'est une aide phénoménale. En plus, on sort en France là dans 15 jours. La France est un des pays qui a le plus soutenu le film à travers les médias, à travers tous ces artistes qui ont signé des pétitions. Donc je me sens d'autant plus touché. En effet, nul n'est prophète en son pays. Le film est pour l'instant interdit au Maroc et comme un pied de nez, au conservateur, Lumna Bidar, interprète principale et sacrée meilleure actrice. Merci beaucoup à vous tous. Merci d'avoir me fait confiance. Et Ça va beaucoup me sauver ça dans mon pays. Ça va vraiment changer bravo. Ma vie. Bravo. Loubna Abidar, l'actrice lynchée sur la place publique au Maroc, vient de recevoir le prix Valois. Alors, elle retourne à Marrakech ragaillardie. À l'aéroport, alors qu'elle attend ses bagages, elle aperçoit son frère et sa sœur qui l'attendent, des roses à la main, c'est étrange. Il y a quelques jours encore, il l'a traitée comme une pestiférée. Et ce n'est pas fini. Lorsqu'elle arrive chez elle, quelle n'est pas sa stupéfaction. Sa mère a rassemblé ses amis et les femmes du quartier. Et quand Loubna entre, les youyou fusent. L'actrice sort alors son trophée doré de son sac devant sa mère qui entre dans un état second. Elle se prend la tête dans les mains, pleure, enlace la statuette et fait le tour de la pièce avec. Auprès de sa famille, l'honneur de Loubna semble avoir été subitement lavé par quelques caras d'or. D'où cet accueil aussi avec des dattes et du lait, une tradition qui symbolise la bienvenue. Alors, Loubna prend date. Much Loved sort en effet quelques jours plus tard, le 13 septembre, sur les écrans français. L'équipe du film se retrouve en France pour les avant-premières. Le public est au rendez-vous et les retours excellents, notamment de la part de membres de la diaspora marocaine installée dans l'Hexagone, comme on peut l'entendre dans ce reportage de France 3. Pour cette avant-première symbolique, de nombreux Marocains de Paris sont dans la salle. Venus défendre la liberté d'expression dans leur pays d'origine et l'équipe menacée. Il faut laisser les artistes libres, quoi. Créer comme ils veulent et après à nous de juger et personne n'a le droit de juger à notre place. N'écoutez pas les cons qui disent n'importe quoi, voilà. Parce que c'est vraiment con ce qu'ils disent. Et franchement, vous êtes la marocaine et on est trop fiers que vous soyez marocaine. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Merci, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous voir. Ouais. Moi, autant que marocaine, avant de regarder le film, j'étais pas au courant de beaucoup de choses. Du coup, moi, je suis là pour les soutenir et pour leur dire bravo. Parce qu'il n'y a pas n'importe qui aurait pu prendre ce rôle-là. Il n'y a pas n'importe qui aurait pu assumer. En octobre, Loubna Abidar est à nouveau récompensée. Cette fois au Festival de Namur, en Belgique. Le film est salué par la critique dans les pays où il est sorti. Mais l'embellie n'est de courte durée parce qu'au Maroc, la haine contre l'actrice et le réalisateur du film reste très forte. 6 novembre 2015, Loubna Abidar se rend à Casablanca pour choisir ses tenues pour deux festivals à venir. Le jour est plutôt bien choisi. Le roi, en effet, commémore dans le sud du pays les 40 ans de la marche verte des Marocains sur le Sahara. Alors tout ce que le pays compte de journalistes y est réuni. L'actrice sera tranquille. Enfin, c'est ce qu'elle pense. Il est 21h quand son train arrive à la gare de Casa. La personne qui doit la récupérer est en retard et ne répond pas au téléphone. Loubna n'a pas envie d'attendre alors qu'il fait nuit. Elle commence le trajet à pied dans l'espoir d'attraper un taxi rapidement. C'est alors qu'une grosse voiture noire, la musique à fond, s'arrête à sa hauteur. À son bord, 3 hommes, la trentaine, plutôt bien habillés. Le conducteur baisse sa vitre et lui lance « Hé, Temetoun !» Ce mot signifie « 8 ». Mais il désigne aussi une figure de danse qui consiste à tracer le chiffre avec les fesses, avec laquelle Noah, le personnage Loubna dans Much Love, séduit justement les clients saoudiens. Soudain, l'un des passagers descend, l'attrape par les cheveux et la tire dans la voiture. Une autre la frappe au visage, lui blessant l'arcade sourcilière. Loubna Abidar essaye de se protéger, mais les coups fusent. Les 3 hommes sont alcoolisés. Il vocifère des phrases qui fleurent l'aigreur, la bêtise, la frustration. « À cause de toi, la pute, j'ai même pas envie de me faire une fille de mon pays », dit l'un d'eux. Et puis le véhicule s'arrête. Le conducteur donne l'ordre aux autres de la jeter dehors de la voiture. Mais l'un d'eux objecte « On la viole d'abord quand même ». Une âpre négociation démarre entre les agresseurs. D'interminables minutes s'écoulent lorsqu'enfin ils se décident à laisser partir leur victime. Loubna Abidar se retrouve ensanglantée au milieu de nulle part. Elle hèle un taxi qui passe, lui demande de la déposer dans une clinique. Mais aucun établissement n'accepte de la prendre en charge. Désorientée, elle appelle une amie qui lui suggère d'aller au commissariat central. Or, le policier en faction qui la voit arriver se met à ricaner. « Ah, Abidar, enfin t'es là. Oh, mais ils t'ont frappé. Est-ce qu'au moins ils t'ont violé ?» et on lui demande de poireauter dans la salle d'attente avec les drogués. Elle finit par partir sans avoir pu porter plainte. Loubna n'en peut plus. Elle aime profondément le Maroc, mais le Maroc la déteste. Le lendemain, sa décision est prise. Elle part. Son mari et sa fille ne la rejoindront que plus tard, lorsque l'année scolaire sera terminée. Elle leur dit au revoir et file à l'aéroport où elle prend un vol pour Paris. Depuis le début de cette histoire, la France l'a toujours soutenue. C'est donc là qu'elle se réfugie, naturellement. Quelques jours plus tard, le 13 novembre, le journal Le Monde publie une tribune signée de l'actrice. Au fond, on m'insulte parce que je suis une femme libre. Il y a une partie de la population au Maroc que les femmes libres dérangent, que les homosexuels dérangent, que les désirs de changement dérangent. Ce sont eux que je veux dénoncer aujourd'hui, et pas seulement les trois jeunes qui m'ont agressée. Depuis, Loubna Abidar vit en France. Elle retourne régulièrement au Maroc pour rendre visite à sa famille, mais le divorce avec ses compatriotes est consommé et much loved n'a pas fait évoluer les mentalités au Maroc. Écoutez, Affaires sensibles sur France Inter, aujourd'hui l'histoire du film Much Loved et de son actrice principale et de son réalisateur dont nous allons parler avec vous maintenant, Laurent Bordelais, notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Dijon, dans les locaux de France Bleu Bourgogne. Voilà, vous êtes maître de conférence en droit à l'université de Reims, spécialiste du Maghreb. Vous avez écrit le livre intitulé « Le Maroc en ébullition », publié en 2014. Et vous vous intéressez également au cinéma, puisque votre dernier ouvrage est une biographie du réalisateur Xavier Dolan. Et vous travaillez en ce moment, ça tombe bien, sur l'œuvre de Nabil Ayouch, le réalisateur de Much Loved, dont nous parlons aujourd'hui. D'abord, est-ce que les Marocains ont eu ce jour l'occasion de voir Much Love dans les salles de cinéma depuis 4 ans, quand même. 3 ans, pardon. Et même 4. Le problème, c'est que, de toute façon, le film est toujours interdit au Maroc. Donc, malheureusement. Mais, de toute façon, il y a toujours des moyens de contourner la censure. Oui. Hein, donc, le piratage des DVD, enfin, etc. Je pense que les Marocains, que certains Marocains l'ont vu, et qui ne reste pas sur la vision de ces rushs et de ces montages qui ne sont pas du tout le reflet du film de Nabil. Est-ce que ces autres films avaient suscité des réactions similaires ? Ah non, en fait, la démarche de Nabil Ayouch, c'est de s'intéresser effectivement à ceux qui évoluent à la marge de la société. Donc ceux qui font l'objet d'un ostracisme social. Que ce soit les enfants des rues avec Alizawa, que ce soit les chevaux de Dieu. Vous savez, dans ces films, Nabil ne porte jamais le jugement moral. Hein, ça, il a une caméra qui est toujours une caméra qui n'est jamais condescendante, qui n'est jamais faussement bienveillante. Et dans le film Alizawa, alors qu'il aborde effectivement un sujet assez difficile avec les enfants des rues, il a intégré dans ce film une dimension onirique. Si vous voulez, ce film se présente sous forme d'un conte. Ce qui fait que, finalement, personne ne s'est senti, finalement, humilié par ce type de film. Nabil Ayouch, effectivement, ne porte pas de jugement. Ce sont les autres qui portent un jugement, les conservateurs. Par exemple, parce que c'est terrible, ça, d'avoir intégré comme ça, subrepticement, et de façon si malhonnête, des extraits de films porno sur la bande-annonce. Hein. Qui a fait ça ? On sait qui a fait ça ? Justement, je crois qu'il y avait une interview très récente de Nabil Ayouch qui explique que jusqu'à présent, il ne comprend pas, il ne sait pas d'où viennent effectivement ces images. Vous savez, sur une chaîne de post-production, il y a à peu près 30 à 40 personnes qui travaillent. En plus, c'était une coproduction française, belge et marocaine. Donc, les images circulent beaucoup. Et effectivement, ces images ont pu très bien sortir à l'extérieur du Maroc aussi. Donc, pour l'instant, c'est effectivement la grande inconnue. Alors, sur le fond, finalement, qu'est-ce qui a choqué dans le film ? Est-ce que c'est la thématique abordée, la prostitution de... Non. On ne veut surtout pas voir la réalité, ou la façon très réaliste de le faire ? Non, moi je pense que ce n'est pas la prostitution qui a choqué, parce qu'il y a eu d'autres films qui ont traité la prostitution ces 15 dernières années. Il y a même d'autres tabous qui ont été abordés, je pense à un film d'Hicham Lasri... dans The Six Behind, où il aborde par exemple la question de la zoophilie, etc. Donc c'est très tabou, ça n'a pas suscité de polémique. Je crois que ça tient vraiment au langage cinématographique, c'est-à-dire à la manière dont Nabil Ayouch a montré ses prostituées. Et ça, c'est une première, parce que son film, c'est une immersion, effectivement, genre, frontale dans le monde de la prostitution, et il nous montre des femmes. Il nous montre des femmes très attachantes, elles sont braves, elles sont courageuses, elles sont combatives, elles ne sont pas enfermées dans la soumission, elles ne sont pas libres, parce qu'autrement elles sortiraient évidemment de leurs conditions, mais elles sont indépendantes. C'est ça qu'on leur reproche. C'est ça qu'on leur reproche. C'est ça qu'on leur reproche essentiellement, d'être libres alors qu'elles sont dans la marginalité. Oui, et ces femmes, elles sont pleines d'humanité. Ce qu'on reproche effectivement quelque part, enfin, ce qui irrite, c'est pour la première fois, Nabil Ayouch, il a placé ces femmes, ce que j'appellerais, dans une anthropologie inversée par rapport à la société patriarcale, où ce sont les hommes qui sont dominants, qui prennent les décisions, et où les femmes ont une autonomie plus ou moins réduite selon le milieu dans lequel elles évoluent. Donc ça, effectivement, c'est des éléments qui déplaisent. Mais c'est pas tout. Il y a d'autres choses. Et par exemple, il y a une scène extrêmement importante dans le film. C'est lorsque Noah revient dans sa famille. Mmh. Elle revient dans la Médina. C'est une scène très sensible où il y a une violence psychologique incroyable qui a été très difficile à tourner pour Nabil Ayouch. Elle revient dans sa famille et finalement, elle ne trouve ni reconnaissance ni réconfort, alors que la famille dépend essentiellement pour les des revenus finalement qu'elle leur apporte. Donc cette famille, elle est vraiment, on peut dire qu'elle est, elle aide au quotidien la famille, et elle ne reçoit évidemment, qu'est-ce qu'elle reçoit? Du mépris. Donc elle doit déjà supporter le mépris de la société, auquel s'ajoute le mépris des propres membres, effectivement, de sa famille. Et ça, c'est extrêmement dur sur le plan psychologique. Nabil Ayouch, lors de ses entretiens, que vous avez relaté, effectivement, en amont du film, a été interpellé par cette souffrance. Ces femmes sont perçues dans leur famille comme des portefeuilles, comme des cartes bancaires. Et le problème, certains, par rapport à ça, ont émis des critiques en disant que c'était quelque chose de marginal, d'atypique, etc. Mais on a quand même quelques données statistiques sur la prostitution qui, bien qu'elle soit une activité illicite, on a quelques données. Il y a eu en 2011 une enquête du ministère de la Santé marocain, oui, qui a interrogé 300 prostituées et qui démontre bien que 60% de ces femmes ont été mariées très jeunes, elles ont divorcé et elles sont bien soutenues de famille. Donc c'est pas quelque chose de marginal. Il y a bien des prostituées qui, au Maroc, effectivement, alimentent, font vivre des familles, même si, évidemment, ce n'est pas le cas, évidemment, de toutes les prostituées, parce que la prostitution revêt différentes formes. Mais en tout cas, une partie d'entre elles, effectivement, tentent de tirer, effectivement, leur famille de l'extrême pauvreté dans laquelle elles sont placées. En tout cas, dans le genre « Cacher cette vérité que je ne saurais voir », Nabil Ayouch fait un travail complet, hein, puisqu'il il parle de femmes prostituées dans son film, mais il effleure aussi d'autres problématiques de la prostitution au Maroc. On va écouter un nouvel extrait du film ensemble, on en parle après. Dans la scène qu'on va entendre, Noah et ses compagnes d'infortune retrouvent un travesti dans un café de Marrakech. Maintenant, ce qu'ils veulent, les clients, c'est se taper des gamins de 10 ans. Tu déconnes? Pas du tout, je te jure. Tiens, en voilà un, avec le panier. Comment tu sais? Je sais ce que je dis, ma chère. Tu l'as vu ici? Mais non, lui, je le vois partout. Il traîne près des boîtes de nuit, des bars et des cabarets. T'as même dû te le taper un soir. Mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Elle est malade, elle. Les mômes, c'est pas mon genre. Ça, non. Je dis juste ce que je vois. J'ai eu 7 mouchoirs. Combien, la sucette? 1 dirham. Fais voir. Prends celle-là. Tiens, t'as mangé? Pose ton panier et viens manger. Tiens, Saïd. Allez, assieds-toi. Assieds-toi. Allez, mange. Assieds-toi correctement. Allez. Tu vas avec les Européens? Non. Dis la vérité. Tu sors avec les Européens? Oui. Quel fils de pute. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Combien ils te donnent? Ils me donnent 100 dirhams. Salopard, je voudrais qu'ils prennent 70 ans de prison, puis qu'on les brûle à la sortie, ces enfoirés de merde. Laurent Bordelais, qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, ben, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Bon, tout d'abord, effectivement, ça évoque bien la prostitution masculine, qui est également une réalité, puisqu'on a là une très belle performance de ce jeune acteur qui est Mohamed Amin Jadil, dans le rôle d'un homosexuel travesti. Et ça, c'est aussi une réalité au Maroc, parce que finalement, ces homosexuels travestis sont pas toujours enfermés dans des cabarets. On les voit aussi arpenter effectivement les rues des grandes artères, hein, à Casablanca et ailleurs. Et puis il y a également, et ça c'est le tabou des tabous, c'est la prostitution des mineurs. Des mineurs, bah oui. Alors prostitution des mineurs. Alors évidemment sur un sujet aussi sensible, on a très peu de données, mais on en a quand même quelques-unes à travers par exemple le SAMU social à Casablanca qui a évalué ces dernières années à peu près, on aurait 100 enfants qui se prostitueraient effectivement dans la ville de Casablanca. Et puis, on a cette fois-ci une autre enquête intéressante qui est un peu plus ancienne, qui est une enquête de 2008 de l'Organisation panafricaine de lutte contre le sida au Maroc. C'est une enquête auprès de 500 prostituées dans les principales grandes villes du Maroc qui démontre, qui révèle en tout cas que pour 60 à 70% d'entre elles, elles ont eu leur premier rapport sexuel rémunéré entre 9 et 15 ans. Donc, la sexualité des mineurs, enfin la prostitution, excusez-moi, des mineurs est bien une réalité au royaume. Alors, est-ce qu'on peut parlait, par ailleurs, d'une poussée du conservatisme au Maroc que ce film aurait révélé finalement et provoqué. Alors ça, c'est oui, c'est une question qui est très délicate, effectivement, à traiter en quelques minutes, parce que finalement, la société marocaine, elle est bourrée, je dirais, de paradoxes et de diversité. Alors, effectivement, on assiste, je pourrais dire, à un raidissement conservateur et identitaire. Mais il faut pas percevoir la société ne forme pas un tout indissociable. Si vous voulez, c'est pas un bloc monolithique. C'est-à-dire que c'est une société qui est traversée hein, par des forces conservatrices, les islamo-conservateurs entre autres, et aussi par des forces progressistes. Et on l'a bien vu, puisque Nabil Ayouch aussi a été aussi défendu effectivement au Maroc. Il a été injurié, etc. Mais certaines personnes sur la toile ou dans la presse l'ont défendu. Alors, le problème qui se greffe aussi, c'est qu'il y a au Maroc un double discours. Il y a le discours que l'on tient dans la sphère publique et le discours que l'on tient dans la sphère privée. Dans la sphère publique, c'est évident que sur les questions de mœurs, le positionnement, il est conservateur et conformiste. Moi, je dirais que dans la sphère privée, certains Marocains, tout dépend effectivement du milieu, sont plutôt éloignés d'une pudibonderie effarouchée et peuvent tenir effectivement un tout autre discours. Mais, quoi qu'il en soit, si on revient quand même à la sphère publique, on assiste bien, si on se pose la question de la place et de la liberté des femmes dans l'espace public marocain, on est bien dans une situation, je dirais, de recul, voire effectivement de régression. On le voit bien sur le marché de l'emploi, par rapport à ces 15 dernières années, il y a un recul sur le marché et de l'emploi. Et c'est dû, à la présence des islamistes du parti du PJD, dit modéré, mais enfin leur présence quand même au gouvernement. Alors, effectivement, il y a leur présence, mais il y a aussi d'autres partis qui sont conservateurs. Et il ne faut pas peut-être négliger l'influence également du wahhabisme qui transite, qui est véhiculé par les chaînes satellitaires et qui contribue, à mon avis aussi, à formater effectivement les esprits. Donc, ils ont aussi une part de responsabilité dans cette situation. Alors, vous savez, mais ce qu'il faut savoir sur le sexe, par exemple, au Maroc, c'est toujours un sujet tabou, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas dans la famille. Il n'y a pas de dialogue intergénérationnel sur cette question. À l'école, le sujet est complètement évincé. La seule façon qu'ont des jeunes, effectivement, d'appréhender le sexe, ça se fait à travers les films pornographiques. Donc, la pornographie, c'est fait pour assouvir des fantasmes, mais aucunement, ça ne contribue, effectivement, à cultiver le sentiment amoureux. Bien sûr. Chez les Marocains. Donc ça, c'est un problème, effectivement, clé. Mais vous savez, il y a une hypocrisie qui est quand même incroyable. Parce que la prostitution, finalement, elle a une utilité sociale dans cette société. Et en même temps, celles qui l'exercent sont profondément méprisées. Pourquoi utilité sociale? Et j'en donne un exemple. Parce qu'on est dans un pays où l'âge du mariage recule. C'est 29 ans pour les femmes, la moyenne, 31 ans pour les hommes. Ce serait illusoire de penser que ces jeunes gens n'ont pas de relations sexuelles. Bien sûr. Évidemment, une sexualité préconjugale est tout à fait normale, même si elle se déroule dans l'illégalité. Et il y a une enquête, d'ailleurs. Il y a des enquêtes qui le révèlent. En 2010, il y a eu une enquête qui a été faite dans Le Monde Rural. On va peut-être pas... Pardon, je voudrais que vous arriviez à la conclusion de ce propos-là, s'il vous plaît, parce que l'heure tourne, c'est terrible. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Non, ce que je voulais dire, c'est que deux tiers effectivement des jeunes ruraux qui ont été sondés, eh bien, avant le mariage, ils vont visiter les prostituées dans les villes près de chez eux. Donc, les jeunes célibataires vont, pas tous, certains ont des relations amoureuses, etc., mais d'autres vont effectivement chez les prostituées. Donc, effectivement, c'est d'utilité sociale, effectivement, de la prostitution. C'est quand même de contenir les frustrations sexuelles. Bien sûr. Laurent Bordelais, pardon, il nous reste qu'une minute. Alors, je sais que c'est difficile pour vous, mais vous avez écrit un livre, Le Maroc en ébullition. Est-ce qu'il est possible de répondre, de savoir s'il est encore en ébullition et pourquoi? En une minute, hein. Désolé pour le challenge. Oui, non, mais je... Enfin, il est en ébullition parce que de toute façon, moi j'attends beaucoup, et je suis comme la Billie Eilish, hein, je pense beaucoup aux femmes, et je pense que il faut qu'elles prennent leurs droits, il faut pas qu'elles attendent des hommes qui leur donnent leurs droits. Les hommes ne vont pas leur donner leurs droits, elles doivent le prendre elles-mêmes, donc ça implique des combats, donc d'ébullition il y en aura, il en faudra. Voilà, ben ce sera le mot de la fin. Pardon de vous avoir bousculé, Laurent Bordelais, mais quand on a plein de choses intéressantes à se dire, ça passe tellement vite. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le film Much Love, d'une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission et si le cœur vous en dit, vos commentaires. À la technique aujourd'hui, il y avait Henri Bérec.